la danse, les nerfs pleins les doigts, ça lui frémit plein les mains, grésille, crépite. Menu, menu, minuscule, plus petit encore d'un grand moulin, encore plus petit, drr, drr, drr. Renu, renu, plus rien, silence, et zix, elle repart. Elle en peut plus.